Notre cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Danser seul, à l'opéra ou au macumba, quelles sont nombreuses ces danses qui se pratiquent en compagnie, le menuet, le rigodon, la carole, ou en couple, la valse, le tango, le cha-cha. Mais depuis quand est-il permis de danser seul? Le 8 novembre 1858, dans le journal Le Corsaire, le journaliste Alexandre Veil, un tantinet conservateur, écrit « Loin de moi de condamner la danse. Bien au contraire, elle est une évolution spontanée du corps et, de plus, une émanation rythmique de l'âme. » Mais il ajoute « Ce qui est contraire à toutes les règles de la danse, sous le point de vue de l'art, c'est le ballet de l'opéra. Toute danse monologue, soit un homme sans femme, soit une femme sans homme, est contraire aux lois du beau. L'enfant peut danser seul pour s'essayer, mais jamais une femme. Des femmes qui seules tournoient, font des pirouettes pour montrer leurs jambes et leurs appâts. Elles ne rappellent rien de l'art sacré de la danse. C'est un marché, une exposition, ni plus ni moins. Laissons de côté les grincheux, allons danser seuls, mais à plusieurs. » Marina Nordera, bonjour. Bonjour. Quand il est question de danser seul, évidemment, nous nous projetons sur notre imaginaire très contemporain, où la danse seule est une évidence, que ce soit à l'opéra, que ce soit en boîte de nuit. Cette danse seule a une histoire. À partir de quel moment est-il possible de dater par les sources le fait que certaines personnes puissent danser seules? À vrai dire, on peut remonter très loin dans le temps. Il y a des témoignages des danses seules, des femmes qui dansent seules depuis l'Antiquité. Vous en avez parlé au cours des émissions précédentes cette semaine. Des danseuses qui se produisaient lors de fêtes religieuses ou bien de fêtes païennes ou bien aussi de banquets et situations de loisirs. Ces femmes qui dansaient seules étaient toujours regardées avec une attitude de critique par rapport à leur manière de s'exhiber à un public. Et c'est cette question du regard du public sur cette femme qui danse seule qui traverse toutes les sources, les témoignages, puis ensuite au Moyen-Âge et jusqu'à arriver au 15e, 16e, 17e siècle. Ce qui change donc au moment où la profession féminine s'affirme au cours du 17e, puis surtout 18e siècle, c'est cette possibilité de la danseuse de prendre à main la création de son solo. Et puis, il y a la structuration autour d'elle d'un système de formation, transmission de la danse en solo, une hiérarchisation des rôles au sein de l'opéra, sur laquelle on peut revenir si vous souhaitez. Ah mais je le souhaite, Marina Nordera. Effectivement, vous êtes historienne de la danse, professeure à l'université Côte d'Azur. Vous êtes danseuse aussi, il faut bien le préciser. Et vous nous l'avez dit tout de suite, il y a ce moment 17e siècle qui est intéressant avec l'idée de transmission. Quand il est question de musique, la transmission est ancienne. Le fait d'écrire la musique est une réflexion vraiment que nous retrouvons dès l'Antiquité. Écrire la musique, mais écrire la danse, cela est bien plus compliqué. Au XVIIe siècle, il y a vraiment un mouvement sur la comment écrire la danse, comment noter une chorégraphie. Oui, c'est exactement ce mot de chorégraphie qui est inventé à cette époque, et notamment par le traité de Raoul Auger Feuillet, et qui porte ce titre. Et c'est lui qui formalise, codifie et met par écrit ce système de notation du mouvement qu'il appelle l'art de représenter la danse par des signes et des figures et de la coucher sur le papier. Et dans ce système qui est assez complexe, il est possible de écrire la danse. Et c'est à travers ces partitions chorégraphiques qui sont arrivées jusqu'à nous que nous pouvons reconstituer, restituer certaines danses, des danses de bal et aussi des danses de théâtre de cette époque. Vous vous êtes justement intéressée à ces reconstitutions, Marina Nordera, de danse. À quoi ressemble-t-elle? Nous sommes très loin des danses que nous imaginons aujourd'hui. À quoi ressemblent ces danses d'ailleurs? C'est dur à dire. Ressemblent à des danses qui peuvent être en solo, en couple, en plusieurs personnes qui s'organisent dans l'espace par des trajets courbes, des grands volutes aussi, et au sein desquels on trouve des séquences, des pas qui peuvent être assez simples. Parce qu'ils peuvent être dansés par tout un chacun de la haute société, évidemment, lors des bals. Et puis, ces séquences simples peuvent se complexifier de plus en plus, et notamment Feuillet, dans son traité, nous présente des table des pas, où on voit bien ce cheminement entre la structure de base du pas et puis toutes les variations qui permettent de le complexifier. Et c'est là que intervient donc le professionnel de la danse et qui est habilité et habile pour pouvoir danser ces phrasés complexes. Ces phrases complexes que ce professionnel de la danse, en tout cas le danseur ou la danseuse, peut s'approprier. Mais quand il est question de la danse et du XVIIe siècle, évidemment, il est certain qu'il y en a un qui danse seul, c'est le roi. Le roi danse ! La guitare, oui, cela vous connaît. Et la chasse. Et les ballets. Et l'État. Que savez-vous de l'État ? La musique incarne l'harmonie universelle et à ce titre... Elle a un rôle politique à jouer dans l'ordre que je veux instaurer. Aujourd'hui, la face du théâtre change. Jusqu'à ce jour, j'ai laissé gouverner mes affaires par mes ministres, sous la direction de feu le cardinal Mazarin. Désormais, je régnerai seul. Je gouvernerai par moi-même. Vous m'aiderez de vos conseils quand je vous les demanderai. Je vous ordonne de ne rien signer, pas même un passeport sans mon commandement. Vous savez mes volontés, messieurs. C'est à vous maintenant de les exécuter. Le roi danse. Le roi danse, le roi danse, le film de Gérard Corbiot en 2000 avec Louis XIV qui danse seul et une métaphore du pouvoir seul du roi. Marina Nordera, justement, quand il est question de danseurs ou de danseuses soliste au XVIIe siècle, la question du genre se pose. Sommes-nous plutôt avec des femmes ou avec des hommes? Il y a des danseurs seuls hommes, des danseurs seules femmes, des danseuses seules femmes. L'exemple du roi est intéressant parce que il incarne tous les genres. Et il est une figure presque d'androgyne. Et de cette manière, il peut incarner toutes les facettes du pouvoir par son corps même, son corps dansant. Vous l'avez bien dit, le corps dansant du roi est la symbolisation du pouvoir lui-même. Donc il y a un pouvoir qui s'exhibe sur la scène quand le roi danse un solo, et il le fait depuis le plus jeune âge dans les ballets de cour dans lesquels il incarne les personnages principaux, et il incarne aussi ce pouvoir de transformation qui est propre de la danse un solo. Et justement, dans la diffusion de cette danse en solo, il y a la volonté d'une prise en main de l'État, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas de l'institution, avec une académie, avec une réflexion sur la manière de danser. Aujourd'hui, nous parlons de l'opéra, tout simplement. Comment l'opéra s'intéresse à cette danse en solo ? Oui, c'est l'Académie royale de musique et danse qui est fondée à la fin de la deuxième moitié du XVIIe siècle et au sein de laquelle les danseurs sont organisés progressivement par les statuts internes de cette institution dans une hiérarchie socio-professionnelle. Et dans laquelle on retrouve le corps de ballet, celui qui s'appelle aujourd'hui le corps de ballet, et puis les coryphées, ceux qui mènent le corps de ballet, et les premiers sujets, et qui sont donc les premiers danseurs. À cette hiérarchie interne correspond une gradation des salaires perçus, et cela donc met en place un statut très particulier pour le danseur seul, le danseur soliste, qui souvent est aussi responsable de créer ses propres solos. Donc il ne répond pas toujours aux règles du compositeur des ballets, mais il peut être aussi autonome dans la production de ses solos. De cette manière, le solo devient un laboratoire de création chorégraphique et permet à certains premiers sujets d'élaborer un savoir chorégraphique à travers lequel ils deviendront après maîtres de ballet. Ça, pour les hommes. Pour les femmes, il est beaucoup plus difficile, voire impossible, d'accéder au statut de maître de ballet et de compositrice, même s'il y a une présence très forte de la profession féminine à l'opéra au cours du XVIIIe siècle, et de plus en plus forte. Il s'agit des danseuses interprètes et elles n'ont pas la main sur les professions dominantes de coordination ou de direction. Il y a donc une professionnalisation très nette de ce métier de soliste, de la personne qui danse seule. Marina Nordera, mais justement, cette personne qui danse seule est un homme. Comment ça se passe justement quand il y a des rôles féminins? Alors l'Académie royale de danse, très belle institution bien sûr, privilégie les hommes, c'est une évidence. Oui, et les femmes arrivent sur la scène de l'opéra seulement en 1681, donc une dizaine d'années après les hommes. Et dans cet intervalle entre la fondation de l'Académie et puis l'arrivée des premières quatre femmes professionnelles en 1781, ce sont les hommes qui dansent en travesti les rôles féminins. Et tous les rôles féminins. Et même quand les femmes professionnelles arrivent sur la scène, certains rôles féminins continuent à être incarnés par les hommes en travesti, et notamment les rôles qui demandent beaucoup de force, comme les magiciennes, les sorcières, des rôles un peu au-delà, disons, du périmètre du féminin normatif de l'époque. Il faut attendre quel moment, en fait, pour que la figure de la femme soliste s'impose comme une évidence? Je dirais, déjà au début du XVIIIe siècle, on voit émerger des figures de danseuses qui peuvent danser seules et créer leur solo. C'est le cas de Mademoiselle Subligny, par exemple, ou de Françoise Prévost, qui en 1715 commande et compose une symphonie dansée composée par Jean-Ferry Rebel, Les caractères de la danse, et dans laquelle elle compose des danses qui mettent en relief sa capacité d'interpréter toutes les qualités, les danses plus nobles, plus lentes, les danses plus vives et brillantes, constitue sa professionnalité de danseuse. Et bien justement, nous les avons dans le cours de l'histoire sur France Culture, ces caractères de la danse. les caractères de la danse. Alors, en l'occurrence, Marina Nordera, là, nous avons un passe-pied. Donc, c'est-à-dire danse populaire, réinterprétée. Quel est l'objectif, en fait, de ces caractères de la danse? C'est créer plein de petits éléments qui vont permettre à la soliste de s'exprimer pour montrer tout ce qu'elle est capable de faire. Oui, parce que comme on sait bien, la danse intervient à l'Académie royale de musique au sein du théâtre musical, donc de l'opéra, de la tragédie en musique, de la comédie-ballet, de l'opéra-ballet. Et pour chaque type des personnages de ces opéras, une danse spécifique est élaborée sur le plan musical et puis aussi sur le plan chorégraphique. Et donc, quand un danseur, une danseuse participe à un ballet d'opéra, doit être capable de danser différents types de danse. Il y a des danseurs qui se spécialisent plutôt dans les danses lentes, majestueuses, nobles, réservées aux personnages des dieux ou des rois, et d'autres qui se spécialisent dans les danses plus brillantes ou des caractères. Et justement, Allez-y, Marina Nordera. Non, j'ai fini. Eh bien, justement, la presse s'intéresse à ce mouvement-là. C'est toujours fascinant de voir comment se diffusent dans la société des éléments que vous nous analysez avec une évolution qui est globalement rapide sur ces millénaires, centaines d'années où la danse en solitaire était mal perçue. Nous voyons au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, une évolution avec une place de plus importante de la femme. Lisons le Mercure de France. La demoiselle Camargo, danseuse de l'opéra de Bruxelles, qui n'avoit jamais paru ici, dansa les caractères de la danse avec toute la vivacité et l'intelligence qu'on peut attendre d'une jeune personne de 15 à 16 ans. Elle est l'élève de l'illustre mademoiselle Prévost, qui la présenta au public. Les cabrioles et les entrechats ne lui coûtent rien. Et quoiqu'elle ait encore bien des perfections à acquérir pour approcher de son inimitable maîtresse, le public la regarde comme une des plus brillantes danseuses qu'on saurait voir, surtout pour la justesse de l'oreille, la légèreté et la force. Le Mercure de France qui s'exprimait à propos de la danse, c'était en mai 1726 avec les caractères de la danse que nous entendons là dessous. C'est une lecture de Mélodie Auru. Marina Nordera, justement, l'attention est portée sur la personne de plus en plus. Nous voyons que le nom de la danseuse est cité, et en l'occurrence ici, c'est Mademoiselle Camargo. Il y a vraiment une individualité qui s'exprime dans la danse, et vous nous l'avez bien dit, il y a l'écriture même de la danse, cette chorégraphie, et puis l'interprétation qui devient de plus en plus importante. Oui, en effet, et cette pièce, les caractères de la danse, est vraiment sert à faire émerger les capacités interprétatives d'une danseuse. C'est le cas pour Camargo, comme on l'a entendu, mais c'est la pièce par laquelle plusieurs danseuses débutent sur la scène de l'Académie royale de musique et danse, et c'est par leur capacité d'interpréter cette pièce qu'il est décidé de les retenir dans la troupe des danseurs et danseuses de l'opéra, ou pas. Donc c'est une sorte de test d'entrée pour pouvoir intégrer le ballet. Et Camargo est l'une des danseuses qui auront beaucoup de fortune et de succès au sein de l'Académie royale de musique. Et elle est dite élève de Prévost, mais probablement elle a suivi un perfectionnement avec elle, parce que c'était déjà formée à Bruxelles avec son père et puis dans le cadre d'une professionnalisation sur les scènes directement, comme c'était souvent le cas. Et Camargo construit aussi, comme les autres danseuses, premières danseuses de l'époque, un personnage public. Les danseuses solistes se construisent en tant que figure publique entre la scène et la société, d'une part en choisissant leur personnage, les personnages à interpréter pour pouvoir se mettre en avant avec les meilleures qualités de leur danse et de leur personnalité. Et puis construisent aussi un personnage public, souvent en fréquentant la haute société, mais aussi les intellectuels, les artistes, d'autres disciplines artistiques de l'époque, pour pouvoir asseoir leur renommée, qui ne s'est construit pas seulement avec les compétences techniques, mais aussi avec une capacité de autopromotion importante. Et désormais, nous dansons seuls. France Culture. Seul avec toi, seul à danser seul, ne suffit pas, non, non. Danser seul, seul avec toi, seul à danser seul, ne suffit pas, non, non. Le cours de l'histoire. Non, non. Xavier Mauduit. Le cours de l'histoire danser seul du groupe Bagarre. C'est toujours un peu la bagarre pour se faire inscrire sur le carnet de bal. Et dans le cours de l'histoire, nous nous intéressons aujourd'hui à la danse en solo, la danse en solitaire. Avec vous, Laura Capel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue et vous avez dirigé la nouvelle histoire de la danse en Occident, de la préhistoire à nos jours, comme ça au moins c'est large, publié au Seuil. Et dans cet ouvrage, vous avez fait intervenir de nombreux spécialistes et plusieurs d'ailleurs, aujourd'hui, enfin, on parlait cette semaine dans le cours de l'histoire sur ces questions de la danse. Nous évoquons la danse en solo aujourd'hui. Et Marina Nordera nous disait que ce 17e, 18e siècle est un moment important pour la soliste à l'Académie royale de danse, à l'opéra. À quel moment se met-on à danser seul, mais seul au bal? Oui, j'allais dire, c'est vraiment très intéressant de revenir sur cette histoire, de remonter sur cette histoire du soliste, de la soliste, parce que, alors, autant pour le bal, je ne suis pas une spécialiste de la question, je ne pourrais pas forcément vous donner le moment exact, mais par contre, j'étais en train de penser à la manière dont les conditions de production, en fait, ont fait évoluer aussi ces formes, et dont le soliste, la soliste est aussi devenue une figure centrale, parce que la danse, ça coûte cher à produire, au XXe siècle, au XXIe siècle, et finalement, danser seul, c'est aussi une manière de, pour ce qui est de la danse scénique, de trouver des modes d'expression, de chercher un style, une manière de travailler, de danser, sans avoir à mobiliser les forces vives d'un corps de ballet ou d'un grand groupe. Donc c'est une figure centrale aujourd'hui aussi, et d'ailleurs, je pense que la pandémie a renforcé cet aspect. On a vu beaucoup y compris de grandes compagnies, depuis un an, qui se sont recentrées sur des petites formes, sur des solos, sur des pas de deux, parce que cela permettait, en fait, cela correspondait à l'époque, permettait de ne pas réunir un grand groupe ensemble sur scène. Peut-être que le soliste ou la soliste sera la figure des années qui viennent. Eh bien, c'est vrai que refléter une époque à travers la danse est un élément que nous sentons bien à la lecture de cette nouvelle histoire de la danse en Occident, hein, Laura Capel, que vous avez dirigée. Quel était le projet d'un tel ouvrage? Parce que c'est un ouvrage d'ampleur. Pourquoi cet intérêt pour la danse au sens où un ouvrage est là pour combler un manque? Oui, c'est ça. C'était un projet ambitieux, mais parce qu'en fait, il le fallait dans une certaine mesure. C'est le premier livre d'histoire générale de la danse, donc depuis la préhistoire, qui a été élaboré en France depuis 25 ans. Et encore, donc, ce livre qui précédait de Paul Boursier, déjà aux éditions du Seuil, sa première édition datait des années 1970. Donc en fait, on se rend compte très vite, quand on enseigne l'histoire de la danse, comme je l'ai fait, qu'on a peu de ressources à donner à des étudiants, mais aussi au public qui s'intéresse à la culture générale de la danse, pour les amener d'une part à comprendre l'histoire, mais aussi à comprendre ce qu'il voit aujourd'hui sur scène. Les choses ont tellement évolué en quelques décennies, la recherche a également beaucoup évolué, il y a eu d'énormes enrichissements ces 20 dernières années. Je pense que nombre des intervenantes et intervenants de cette semaine en ont témoigné. Et cet ouvrage, finalement, c'était une manière de proposer une porte d'entrée à la fois rigoureuse et accessible sur la richesse de ces travaux qui parfois sont difficilement accessibles parce qu'ils sont dans des revues scientifiques, dans des ouvrages qui peut-être ne parviennent pas au grand public. On a voulu combler ce manque, comme vous le disiez. Et puis pour la danse, il y a toujours ce problème de l'histoire d'un art vivant où il est facile de lire les théories, mais la théorie ne nous donne pas accès à la réalité. Hein. Marina Nordera, ben d'ailleurs vous avez participé à cette nouvelle histoire de la danse en Occident. C'est aussi une véritable question. Vous êtes danseuse et je reviens sur cet aspect-là pour saisir comment étaient les danses dans le passé. Il faut réfléchir à autre chose que ben, les textes. Il faut aller plus loin, aller voir d'ailleurs comment l'on pratique la danse dans tous les endroits où l'on pratique la danse. Oui, en effet, pour pouvoir écrire l'histoire de la danse, et le livre dirigé par Laura le montre bien, il faut ouvrir le plus possible les spectres des sources pour pouvoir avoir la parole, oui, des théoriciens qui écrivent des traités, mais aussi des praticiens qui souvent n'ont pas la parole parce que leurs écrits sont très confidentiels ou sont fragmentaires ou sont reportés par d'autres. Et puis aussi, regarder les sources de la réception. Donc ce que le public a vu, et à travers tous ces points de vue sur la danse, il est important aussi de passer par l'expérimentation et l'incorporation de ces danses du passé, et c'est ça que le double parcours qui est le mien, mais aussi d'autres, beaucoup d'autres chercheurs en danse, entre la pratique dansée et puis un parcours plus académique, permet de passer par le studio de danse, essayer de voir ce que ça donne si on lit les partitions de danse du 15e, du 16e, du 7e siècle, et puis essayer de voir quelles sont les résonances dans le corps, nos corps aujourd'hui, de ces danses du passé. Et ça donne des éléments pour mieux comprendre l'ensemble des sources écrites qui viennent de différents témoignages de l'époque. Une résonance dans le corps, une résonance aussi dans le corps social. Oui, la danse, c'est un peu la sociologie. Et de 1, 2, 3, pas de bourré. 3, 2, tout de suite. Je vous demande pardon. S'il vous plaît, madame, ne dites rien. Ça suffit, on se tourne vers le miroir, allez. Et 1, 2, 3, pas de bourré. Alors tu veux faire danseur? Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Qu'est-ce qu'il y a de mal à être danseur? C'est parfaitement normal. Parfaitement normal. C'est normal pour les filles, mais pas pour les garçons, Billy. Les garçons font du football ou de la boxe ou du catch. Mais ils veulent pas devenir danseurs de ballet. Tu comprends ce que je veux dire? Je vois pas ce que tu reproches à la danse. Tu sais parfaitement ce que je lui reproche. Non, je le sais pas. Oh, si, tu le sais. Non, je le sais pas. Si, tu le sais très bien, nom de Dieu. Non, mais pour qui tu me prends? Tu le sais de façon très claire. Quoi? Qu'est-ce que tu essaies de me dire, papa? Qu'est-ce que tu essaies de me dire, papa? C'est Billy Elliot qui pose la question dans le film Billy Elliot de Stéphane Daldry, un film de 2000. Et justement, cette question se pose. Jean-Christophe Sevin, bonjour. Oui, bonjour. Nous avons ici tout un aspect qui est essentiel pour approcher cette danse, comprendre comment la danse en solo s'inscrit dans une société. C'est la relation à l'autre et notamment une histoire du genre. Vous êtes sociologue, maître de conférence à l'Université d'Avignon. Vous avez travaillé sur la musique techno et ses effets sur tout ce qu'on appelle les rêves, etc. Eh bien, justement, il y a une approche à faire deux sociologues sur la danse pour comprendre combien elle reflète systématiquement, à un moment donné, l'état de la société. Alors, disons qu'on a beaucoup surinterprété, je ne suis pas sûr, parce qu'on a beaucoup surinterprété les rêves pour en faire justement l'expression. Alors, via, à mon avis, il faudrait reprendre un peu tout ça, mais une fausse conception de l'effet de la musique qui passivement induirait les danseurs à la fusion sociale, qui reflèterait finalement un besoin de socialisation dans une société individualiste. C'est vraiment un plaquage qui a beaucoup été fait dans les années 90-2000 de ces phénomènes et qui dit pas grand chose en fait. Hein. Je pense que ça renvoie à une actualité de nos sociétés, mais peut-être pas à ce niveau-là. Il faut voir que on peut pas voir vraiment ce qui se passe comme danse dans les musiques de sound system, dans les musiques électro-amplifiées. Qu'on pourrait voir comme une continuité d'une danse solo comme on a pu le voir tout à l'heure. Là, ce qui se passe, c'est qu'on est dans des environnements médiatiques, et c'est la grande nouveauté, c'est-à-dire médiatique au sens où on a une musique électro-amplifiée, on a des environnements immersifs dans lesquels on baigne, comme dirait Roland Barthes, hein, justement. Barthes, je pense que c'était par rapport au Palace, il disait... Justement, il n'y a pas le danseur, le corps semble vécu de l'intérieur et non pas pour produire un effet extérieur. Donc il y a vraiment cette dimension. Et alors là, il faut faire très attention parce que lui dit retrouvant des rituels de sociétés très anciennes, c'est le plaquage aussi qu'on a fait sur la techno en y voyant une forme d'analogie avec des rites de possession africains. Sauf que c'était un peu, c'est désobligeant pour les rites de possession africains qui sont des choses très institutionnelles, très maîtrisées, avec des rites d'initiation, toute une institutionnalisation autour, ce que n'est pas du tout une rave party, même si bien sûr on peut dire qu'il y a un peu de ritualisation. Mais je pense que s'il faut interpréter ça d'une façon sociologique, c'est que la techno, ces musiques de sound system actualisent quelque chose qui est potentiel depuis l'électro-amplification et qui commence à pointer un peu dans le rock, qui vraiment s'exprime beaucoup dans le disco. Et après, chaque environnement, chaque conjoncture sociale va aussi construire une forme d'interprétation, de signification de cette pratique qui va différer tout le temps. Je veux dire, aux États-Unis, quand c'est inventé, ça naît au sein des minorités noires et gays, donc il y a cette dimension. L'Europe récupère ça et en fait quelque chose. Je schématise, mais on a beaucoup parlé des free parties. On s'est récupéré dans une autre pratique, une autre configuration où ça signifie autre chose. Ça signifie une contre-culture, une opposition à l'autorité. On pourrait même dire maintenant, en temps de pandémie, ça signifie encore quelque chose d'autre. On l'a vu avec la rêve du Nouvel An. Vous voyez, donc c'est peut-être plus... Oui, nous voyons que d'un seul coup, eh bien, la musique a été arrêtée. Eh bien oui, il faut remettre le son. Écoutez, Marina Nordera, vous nous entendez ? Oui. Oui, voilà. Nous avons été coupés avec Jean-Christophe Sevin qui nous parlait justement de ce mouvement qui se développe dans les années 1960, la danse en solo, mais la danse de club, la danse de boîte de nuit, puis qui devient peu à peu les rêves. Et Jean-Christophe Sevin nous dit très bien qu'il y a plusieurs sens à donner à ces danses en solo. Justement, dans le regard porté sur le temps long, vous avez vraiment fait ces études sur le 17e, le 18e siècle, sur la soliste. Est-ce que cette figure de la soliste est un élément à prendre en compte pour saisir combien aujourd'hui nous dansons beaucoup seuls ? Alors seuls, mais à plusieurs en groupe. Oui, dans la dernière année que nous avons traversée, il y a eu, comme Laura le disait tout à l'heure, beaucoup d'expériences face à l'écran, face à la caméra aussi, de professionnels de la danse qui n'ont pas pu s'exhiber à un public, qui n'ont pas pu continuer à travailler en collectivité ou dans les ensembles ou dans les groupes, même au niveau des amateurs, et qui ont utilisé les réseaux sociaux pour poster des solos finalement. Donc nous avons vu des magnifiques expressions de cette danse en solo à travers nos écrans. Et c'est dramatique, évidemment, parce que les danseurs ont besoin d'être ensemble pour danser. Mais en même temps, ça constitue peut-être un nouveau genre de solo que nous pourrions effectivement remettre dans une analyse sur le long terme. Et est-ce que ça serait un format qui réémerge dans les moments de crise? On assiste à le solo est la forme principale de la danse moderne à cheval entre le 19e et le 20e siècle. Et peut-être encore aujourd'hui, nous sommes dans une transition qui valorise cette forme. Bien justement, dans cette transition qui valorise la forme de la danse en solo, nous évoquons tout de suite l'application TikTok. Hein. TikTok, une application qui est faite pour danser en solo. Sûr que si Isadora Duncan avait eu TikTok, elle aurait dansé sur TikTok. Les années folles, la Côte d'Azur, un châle rouge, une Bugatti bleue. Un pas de deux avec la mort, car c'est bien elle, à la fin, qui mène toujours la danse, dans l'enchevêtrement obscur et ordonné des arabesques. C'est pour la danse, cette folie blanche, cette maladie silencieuse et ondoyante, que Isadora était née. Bacchante ou nymphe, vierge et ménade, elle traverse comme un souffle, dans le chaos foisonnant de ses voiles, les scènes du monde entier. Les cygnes du ballet classique agonisaient dans leurs chaussons trop serrés. Isadora, elle, danse pieds nus, les cheveux dénoués, le corps à peine caché par quelques étoffes légères drapées en guise de plaid-plum. On avait fêté les flammes multicolores de l'œil fulaire, la volupté lascive des danseuses espagnoles, le folklore acrobatique des Russes, la danse du ventre venue de Turquie, les danses serpentines du Cambodge et les pirouettes savantes des jolies marionnettes à tutu. Et voilà que du nouveau monde arrive la Salomé du XXe siècle. La Salomé du XXe siècle, Isadora, dans les Nuits magnétiques de France Culture en 1987. Laura Capel, effectivement, cette histoire de la danse est ponctuée de moments très forts de l'histoire, mais surtout de personnages extraordinaires, avec une place de la femme. C'est vraiment une histoire du genre, cette histoire de la danse, et notamment de la danse en solo, où la femme, reléguée quand elle danse seule, parce que lascive et souvent méprisée, devient... mais le summum de l'élégance. C'est très intéressant de voir cette évolution. Vous le constatez hein, en relisant votre propre ouvrage, celui que vous avez dirigé, La nouvelle histoire de la danse en Occident. Oui, c'est intéressant parce que c'est une histoire, un aspect très paradoxal en fait de l'histoire de la danse, à savoir il y a toujours eu des figures féminines essentielles, dominantes, de Marie Taglioni, ensuite des figures comme Loie Fuller, Martha Graham, Trisha Brown. Donc il y a des femmes dans l'histoire de la danse tout au fil des siècles, mais en même temps, on constate depuis 20 ans, 30 ans, avec de nouvelles recherches, qu'il y a eu malgré tout, comme dans d'autres formes artistiques, des formes d'invisibilisation de femmes à des niveaux peut-être de notoriété moins élevés, où leur travail va disparaître très rapidement, ne va pas être considéré comme un travail à conserver de la même manière que celui des hommes. Je pense notamment aux maîtresses de ballet parisiennes du début du XXe siècle, qui ont notamment été étudiées par Hélène Marquier, ou encore à une figure comme Jeannine Chara, une des grandes chorégraphes de l'après-guerre en France, qui émergent, disons, à peu près en même temps que des figures comme Roland Petit, un petit peu avant Maurice Béjart, et qui, en même temps, dont le répertoire, en fait, a complètement disparu en très peu de temps. Donc, on est dans ce paradoxe où la perspective du genre, dont s'emparent maintenant beaucoup d'historiennes, d'historiens, de spécialistes de la danse, permet d'essayer de remettre en valeur aussi les trous, les oublis de l'histoire de la danse, de compléter, en fait, entre les grandes figures qui sont restées mythiques, disons. Nous avions perdu un Jean-Christophe Sevin. Eh bien, il est revenu. Oui. Alors, vous êtes là, Jean-Christophe Sevin. France Culture. Oui, je... oui. Alors, Jean-Christophe Sevin, nous avons un petit problème de communication. Justement, nous évoquons ces grandes figures de la danse, Isadora Duncan, ces grands moments de la danse et la danse en solo qui s'impose peu à peu. Il y a un discours que vous avez croisé sans cesse en étudiant les rêves. C'est ce discours de dire, mais avant, nous dansions à deux, regardez cette jeunesse danse seule, ils ne dansent plus ensemble. Mais il y a un phénomène générationnel très fort parce que chaque génération dit la même chose. Oui, alors il y a eu deux interprétations opposées, c'est-à-dire qu'il y a eu une interprétation plutôt dans la lignée, on va dire, de la théorie critique allemande, qui ont vu notamment dans la Love Parade, ils ont vu une métaphore de l'atomisation de la société, chacun dansant dans sa bulle. Et à l'opposé, il y a eu, se basant sur les mêmes prémices théoriques, c'est-à-dire l'authenticité, la passivité, comme l'induction passive des danseurs sous l'induction techno, d'autres qui ont vu dans la fusion sociale, dans ces foules en fusion, justement une lecture en forme de recherche de socialisation, de collectif dans une société individualiste. Donc il y a vraiment eu les deux interprétations. Et dans ces deux interprétations... Et il y a eu effectivement... Et d'un point de vue générationnel, effectivement, il y a vraiment eu, effectivement, au début des années 90, l'affirmation d'une génération qui symbolisait la disparition de l'hégémonie du rock, pas du rock, mais de l'hégémonie du rock, et la découverte de la danse dans une esthétique rock qui était devenue plutôt romantique et très cérébrale, et où la dance, comme on l'appelait, était totalement dévalorisée, et le symbole ultime de l'inauthentique. Il y a toute une génération, effectivement, qui a appris à lever les bras, à exulter ensemble, ce qui n'était plus trop le cas dans le rock auparavant, oui. Oui, parce que dans tous ces phénomènes contemporains de la danse, alors qu'il s'agisse de la danse en boîte de nuit, qu'il s'agisse des rêves, il y a toujours cette question qui est celle, mais de l'histoire de la danse, de celle qui nous intéresse, du groupe et de la danse en solitaire. Et c'est vrai qu'il y a ce double mouvement, il est possible de danser seul en groupe, où en réalité c'est le groupe qui interagit. Ah oui, c'est ce que disait Roland Barthes, hein, le paradoxe, c'est que des individus qui ont l'air complètement isolés sont en même temps complètement perdus et dilués dans une foule. Donc ça, c'est les vieilles catégories de le bon et de la foule qui perd son individualité. En réalité, moi qui ai fait un peu de terrain, c'est pas vraiment la bonne façon d'aborder les choses. En fait, on voit que finalement, on danse tout seul et on danse ensemble, mais il y a un accordage collectif. En fait, c'est un pôle à trois, c'est-à-dire qu'on danse la musique, on ressent la musique, on ressent les autres ressentant la musique et on s'accorde sur ces collectifs ressentant la musique. Il y a vraiment un phénomène d'accordage collectif avec des variations et les variations dans la musique et dans l'intensité collective comme condition de maintien justement de ce moment intense, mais il n'y a pas de dilution, il n'y a pas de... C'est un plaquage assez vite fait de dire qu'il y a une fusion collective et une disparition de l'individu dans la foule. C'est pas vraiment ça. Ah, l'individu qui danse, c'est toujours un moment exceptionnel, surtout quand il danse tout seul, enfin, que les autres le regardent. France Culture. Je fada, je crée des gueux, je vous prenne tous ici, une par une. Le cours de l'histoire. Je danse le Mia. Xavier Mauduit. Je danse le Mia. Je danse le Mia. Je danse le Mia. Voilà, nous dansons le Millard avec Ayam, Laura Capel. Nous avons consacré toute cette semaine à l'histoire de la danse. Une histoire de la danse, hein, sont des émissions à écouter, à podcaster en ligne sur le site du cours de l'histoire, franceculture.fr, et sur l'appli Radio France. Et depuis que nous avons dansé en toge, puisque nous dansions antique, nous avons dansé la branle, la bourrée, la carole, nous avons tangué, nous avons valsé, aujourd'hui nous dansons solo. Évidemment, il y a énormément d'évolution entre ces danses, mais malgré tout, j'ai l'impression qu'il y a des lignes conductrices, qui est cet aspect de socialisation de la danse, qui est essentiel même quand l'on danse seul au milieu du groupe. Absolument, c'est vraiment une pratique fondamentalement sociale, en fait, la danse, qui à la, permet d'étudier des interactions, permet d'étudier la manière dont les gens créent du lien de manière corporelle. Et en fait, on voit ces questions, le solo, la danse de groupe, se répéter en cycle infini dans l'histoire de la danse. C'est vraiment très, très, très, très beau à voir et très marquant. Et c'est pour ça aussi qu'on a besoin de continuer à parler d'histoire de la danse. Merci d'en avoir parlé cette semaine. De la mettre en valeur, parce qu'en fait, on la connaît encore relativement peu comparé à l'histoire de la musique ou à l'histoire des arts visuels. C'est une histoire qui est peu mise en valeur, y compris sur le plan éditorial. Et pourtant, il y aurait tant à faire pour continuer en fait à l'amener à des générations de spectateurs, pour que ce qui se passe sur scène soit compris à la lueur de ce qu'on sait déjà. En fait. Ce que l'on sait déjà, l'histoire qui est à écrire, l'histoire qui est à transmettre. Marina Nordera, pour terminer, d'accord, les danseurs ne lisent pas tous les traités et puis même les écrits des historiennes, des historiens sur l'histoire de la danse. Mais malgré tout, il y a une transmission. Nous sentons bien au moment d'étudier une danse, il est possible de tirer des fils qui nous conduisent vers d'autres pratiques du passé. Oui, en effet, transmettre la danse par les pratiques permet aussi de se poser des questions plus larges sur la manière de théoriser ou de produire des discours autour de ces pratiques. Et l'articulation entre les pratiques et discours est importante à tous les niveaux de transmission de la danse. Je n'ai pas voulu dire que les danseurs ne lisent pas les traités. Au contraire, de plus en plus, les danseurs aujourd'hui sont impliqués dans la transmission, l'étude et la transmission de leur art. Et nous avons assisté ces dernières 20 années à cette réappropriation que les professionnels font à travers leur art de l'histoire de leur art. Et ça, c'est un moment très important parce que ça contribue à la progression de la recherche aussi et de la diffusion de la connaissance de cet art à un plus large public. Eh bien, vous y participez, Marina Nordera. Merci vivement à vous de nous avoir conduits à l'Académie Royale de Danse. Merci aussi à vous, Jean-Christophe Sevin, de nous avoir conduits dans une rêve. Et puis, merci Laura Capel, je rappelle, la nouvelle histoire de la danse en Occident, de la préhistoire à nos jours, publiée au Seuil. Il est temps, dans le cours de l'histoire, de retrouver Anaïs Kien avec son journal, celui de l'histoire. Bonjour Anaïs Kien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Dans le journal de l'histoire, la justice pénale internationale et son histoire dans un documentaire. Alors que la Cour pénale internationale s'est saisie des crimes de guerre commis dans les territoires palestiniens occupés, un documentaire revient sur l'ancêtre de cette institution judiciaire, le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Les témoignages de rescapés des crimes de masse commis dans les anciennes républiques fédérées dans les années 90 croisent ceux de condamnés, de magistrats, d'enquêteurs, d'observateurs de ce tribunal créé par les Nations Unies pour sanctionner les infractions au droit international. Au cours de l'histoire, beaucoup de crimes ont été commis dans cette région. Mais personne n'avait jamais été arrêté ou puni. Ça a été une première. Et plus personne ne peut nier ce qui s'est passé. Il y aura toujours des gens pour le nier, mais les faits ont été établis. À partir de 1991, l'éclatement de la Yougoslavie entraîne une série de conflits armés d'une extrême violence, les premiers sur le sol européen depuis la Deuxième Guerre mondiale. Une extrême violence jusqu'au génocide qui se déroule directement sous les yeux des spectateurs de la planète, nourris en images par les nombreux reporters de guerre qui couvrent ces conflits. Arnout von Linden, correspondant de guerre, et Jean-René Ruez, enquêteur, disent à quel point ces images de camps en couleur, diffusées sur les chaînes par les journaux télévisés, rappelaient ceux découverts à la Libération, un retour insupportable immédiatement après la fin de la guerre froide, impossible à ignorer par la communauté internationale. Le Tribunal pénal international est institué en 1993, alors que les conflits qu'elle jugera pendant plus de 20 ans sont encore en cours. Geoffrey Nice, représentant du procureur, rappelle que jusqu'à la fin du XIXe siècle, il n'y avait pas d'autre issue possible à un conflit armé entre États que le partage des prises de guerre, que le tribunal de Nuremberg n'avait jugé qu'un seul camp de la Deuxième Guerre mondiale, et surtout que depuis, les comportements criminels des États pendant la guerre froide ou les guerres de décolonisation n'avaient jamais été jugés à un tel niveau. Depuis son siège de La Haye aux Pays-Bas, le TPIY enquête et instruit sur le massacre de Srebrenica, sur le siège de Sarajevo, ou encore sur les exécutions au Kosovo. C'est pourtant une justice contestée et entravée. Les principaux responsables des 140 000 morts et des plus de 3 millions de réfugiés issus de ces conflits restent longtemps inaccessibles sans un levier politique qui fera date. L'appui de l'Union européenne, qui conditionne l'examen des candidatures des anciennes nations yougoslaves à leur coopération avec ce tribunal. Ratko Mladic, Radovan Karadzic et Slobodan Milosevic sont finalement arrêtés. Les deux premiers sont condamnés alors que Milosevic meurt d'un infarctus dans sa cellule pendant les audiences de son procès. L'écrivaine Slavenka Drakulik assiste à certains de ces procès et raconte l'absence totale de spectacularisation de cette justice. Son caractère bureaucratique poussé à l'extrême, avec ses audiences sans fin et ses accusés qui encourent de très lourdes peines, mais s'endorment dans leur box. Entre 1996 et 2017, le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie condamne 90 de ses accusés, un bilan obtenu avec le soutien politique de la communauté internationale, probablement sans descendance. La Cour pénale internationale, créée dans son sillage, ne peut pas compter sur une telle reconnaissance, tant les grands États risqueraient de perdre en admettant la sanction d'une justice transnationale. Ex-Yougoslavie, les procès du Tribunal pénal international. Oui, c'est un documentaire déjà disponible sur Arte TV. Le journal de l'histoire, lui, est disponible sur l'appli Radio France. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Somaya Dabesh avec aujourd'hui à la technique Nasser Moussaoui. Une émission préparée par Marion Dupointe, Toscane Viodès, Odile Jouessel, Juliette Corbel-Vivas et Maïwen Guizhou. Demain, fou d'histoire avec le réalisateur Radou Maïlanou. Nous allons parler de son histoire et de sa passion pour l'histoire. Va, vie et devient. Oui, demain, fou d'histoire.